Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les bouillons parisiens. Un bouillon, c'était une auberge, un bistrot, qu'on pourrait dire maintenant. C'était vraiment une cuisine très, très simple de bouillon avec des morceaux de viande et puis des plats simples, des œufs mayonnaise, des pas choses cher. Comme ça. Pas cher, très accessible. Moi, je me souviens même à mon époque, quand mon grand-père m'emmenait au journal L'Équipe, qui était en face, le bouillon Chartier, eh bien, on mangeait à 5 francs avec un pichet de vin. Très ouvrier, mais en même temps, des endroits qu'on aime parce que toutes les extractions sociales, comme la cuisine était bonne, eh bien, se retrouvaient dans ce type de bouillon. Le chef Thierry Marx, dans une capsule de l'Histoire à la carte diffusée à la radio publique française en janvier 2020, connu pour sa cuisine généreuse et peu chère, mais aussi pour ses spectaculaires décors Art Nouveau, le bouillon parisien a connu son âge d'or au début du 20e siècle. Intimement associé à l'histoire de Paris et à sa culture populaire, le bouillon semble depuis quelques années vouloir effectuer un grand retour et ainsi retrouver la faveur des Parisiens. Cela fait plus d'un siècle qu'elles sont là. Ces femmes fleurs invitent au banquet les classes populaires depuis 1906. Un décor tombé en désuétude et qui renaît de ses cendres depuis un an. Le bouillon Julien, comme les autres authentiques bouillons parisiens, est à la fois un restaurant, une cantine et une invitation à remonter le temps. Moi, je suis fan de Art Nouveau et de ce genre d'ambiance un petit peu vintage et rétro. Donc pour moi, c'était vraiment un endroit idéal pour dîner, en fait. C'est un voyage dans le temps, totalement. On s'imagine les belles de l'époque qui défilaient ici. On ne sait pas si elles avaient la même carte que nous. Je ne connaissais pas du tout et c'est le décor est vraiment très beau. La verrière et la décoration ont été classées au titre des monuments historiques. Il y a Julien, mais aussi Chartier et Racine. Extrait d'un reportage de Florence Griffon diffusé à France 2 en janvier 2019 pour nous raconter la fascinante histoire des bouillons parisiens. Je reçois l'historien et ami de l'émission Éric Dussault. Éric Dussault, bonjour. Bonjour Jacques. Alors le bouillon, Éric Dussault, c'est bien plus qu'un simple restaurant. On peut dire, je pense que ça fait véritablement partie de la vie, de la culture parisienne. Quelle place il occupe, ce bouillon parisien, dans l'imaginaire parisien justement, Éric Dussault? Ben on l'a vu, on a entendu une jeune qui peut-être par la voix, on pourrait peut-être l'appeler une jeune hipster, qui est très nostalgique de cette époque-là, donc du 19e siècle, début 20e siècle, la première moitié du 20e siècle, à cette époque où le bouillon faisait partie de la vie quotidienne des Parisiens. On insistait un petit peu plus tôt aussi avec M. Marx sur l'aspect interclasse, multiclasse. Oui. Donc, même si on dit au départ que le bouillon, c'est un endroit où le public va, monsieur, madame, tout le monde. En fait, les riches, les pauvres, les touristes, les locaux fréquentaient ces lieux-là et c'est ce qui en fait un lieu de grande convivialité. Mais avant tout, donc, ça incarne le beau, bon, pas cher. Beau parce qu'il a sa place, le bouillon, dans un décor Art Nouveau avec ses courbes, avec ses femmes, avec ses fleurs. Bon parce que ce qu'on y sert, c'est de la cuisine du quotidien. Pas cher parce que c'est sa marque de commerce. C'est comme ça qu'on s'est fait un nom en offrant de la nourriture servie rapidement, puis qui était convenable pour toutes les bourses. Ouais, au départ, puis on va y revenir, mais c'est vraiment l'idée, c'est la cantine pour les ouvriers, quelque chose de pas cher. Mais vous le disiez bien, c'est bon, c'est agréable, ça devient, ça fait partie de la vie parisienne et tout le monde à un moment donné va s'y retrouver, toutes les classes sociales confondues. De fait, comment le définir ce bouillon-là quand on le compare, par exemple, je sais pas moi, au restaurant traditionnel ou à la brasserie, par exemple? Bien là, c'est intéressant parce que le mot « restaurant » découle de se restaurer. Et ça découle de « réconfort », un mot qui est associé au restaurant en 1750. Et en 1771, c'est un établissement où on sert des repas contre un paiement. Donc, c'est au 18e siècle que le bouillon va devenir un lieu où on sert le bouillon. Donc, on passe du bouillon liquide à un lieu qui s'appelle le restaurant dans lequel on sert le bouillon. Et il y a un nom qui est incontournable. Il s'appelle Rose de Chantoiseau. C'est en 1765-1766 qui a ouvert le premier restaurant de l'histoire. Donc, c'est un bouillon, au départ, pour des gens fortunés, pour une petite élite qui est très préoccupée par sa santé, sa bonne santé. Et donc, ces bouillons reconstituants vont aider les personnes qui ont une santé fragile à recouvrer la santé. Donc, Chantoiseau est un homme d'affaires intelligent. Il va appeler son restaurant une maison de santé, un lieu où, dans des petites tasses, on sert des consommés de légumes et de viande à une clientèle fortunée. Alors, il s'enrichit, puis en même temps, il y a une promesse de mieux-être en consommant ce bouillon-là. Ce qui est intéressant avec ce restaurant-là, c'est qu'on va s'y faire servir sur des petites tables individuelles. Et ça, c'est nouveau. Quand on parle des auberges, des arrêts pour les voyageurs sur les routes, c'est toujours en groupe qu'on se fait servir. Oui. Là, M. Chantoiseau va inventer la petite table avec le client derrière et il va être traité pour la première fois individuellement. Alors ça, c'est vraiment révolutionnaire à l'époque qu'on s'attarde à ce point aux clients auxquels on doit offrir un service personnalisé. Alors, pour revenir à votre question, différence entre restaurant, brasserie, bouillon. La brasserie, c'est un lieu qui, comme son nom l'indique, est associé à la bière. C'est en lien avec l'Alsace, qui est une région française qui est passée aux mains allemandes. Mais quand elle est française, on utilise une de ses ressources locales qui est la bière, qu'on distribue dans les bistrots parisiens, dans les brasseries, et avec la choucroute et tout ça qui vient avec. Le bouillon, donc, c'est le lieu où on boit le bouillon. Puis le restaurant, c'est un endroit qui va être, et j'y arrivais là avec l'autre étape de M. Chantoiseau dans sa carrière, c'est que le restaurant qui va être créé par Antoine Beauvilliers, qui va suivre la première initiative de Chantoiseau, là on est en 1782, rue de Richelieu, c'est la grande taverne de Londres. Là on parle d'une décoration très soignée, d'un service parfait, d'une cuisine exquise et d'une cave admirable. Alors, le restaurant, ça devient un lieu beaucoup plus luxueux qui s'éloigne de ce dont on a parlé précédemment. Alors, revenons au bouillon comme tel, à l'histoire du bouillon. D'abord, petite parenthèse, mais le bouillon, là, l'établissement qu'on appelle bouillon, il tire son nom carrément de ce fameux bouillon dont vous nous parlez depuis quelques minutes. Oui. Donc, c'est au 17e siècle, par exemple, on va le définir comme un aliment reconstituant. Donc, c'est à cette époque-là que le bouillon est défini comme un jus de viande qui est concentré. Même M. de La Fontaine, en 1666, en parle dans ses écrits. Donc, un jus de viande concentré qui va être médicinal. À ce moment-là, on lui attribue pas simplement un côté fortifiant, mais aussi médicinal, puisqu'on va utiliser de la viande ou des carcasses de vipères, d'escargots, d'écrevisses écrasées, de grenouilles. Tout ça, ça va mijoter pendant plusieurs heures et on va ajouter des herbes et on va servir ce liquide-là de façon tiède pour que le malade puisse profiter des protéines, des propriétés nutritionnelles de ce breuvage. Alors, c'est assez intéressant de voir que le bouillon, au départ, vise à reconstituer, à requinquer et à, finalement, le restaurant qui est un lieu de plaisir, ben découle en quelque sorte de ce souhait au départ de servir un bouillon qui visait à rétablir la santé. Oui. J'y vois comme une continuité en quelque sorte. Alors, racontez-nous un peu quand et dans quel contexte apparaissent ces premiers établissements qu'on va appeler carrément les bouillons. Ben en fait, comme souvent, un sujet est lié à son contexte. Dans le cas des bouillons, on est dans le Second Empire, entre 1852 et 1870. À ce moment-là, il y a quelqu'un que vous connaissez, qui est le baron Haussmann, qui va totalement modifier l'apparence de Paris. Élargissement des boulevards pour plus qu'il y ait de blocus lorsqu'il y a des manifestations, tout ça. Alors, pour contrôler la gauche française, qui a un petit côté un peu trop révolutionnaire à leur goût, on va élargir les boulevards et on va transformer l'architecture pour que l'air circule dans les habitations, pour que la lumière rentre. Résultat, les ouvriers, les travailleurs, sont repoussés en dehors des fortifications de Paris. Oui. Ça veut dire qu'ils habitent tellement loin que ça leur prend plusieurs heures de marche pour venir travailler à Paris. Par conséquent, s'ils n'ont pas de gamelle avec eux, s'ils n'ont pas leur repas avec eux, ils doivent manger sur l'heure du midi. C'est pour ça qu'on va leur servir des concentrés de bœuf industriel, un jus de viande dans lequel on va ajouter de l'eau. Et tout ça, imaginez, c'est servi dans des gros chaudrons en fer blanc qui sont maintenus en constante ébullition. C'est pour ça qu'on va parler d'un bouillon après 1854. Et ce n'est pas étonnant que ce soit un boucher parisien, Pierre-Louis Duval, qui a installé son premier bouillon en 1854-1855, juste à côté du marché des Halles, où les travailleurs sont nombreux à gagner leur vie. On leur sert donc un repas chaud à prix modique. Et à ce moment-là, ben, le restaurant retrouve sa définition, un lieu où on se requinque, où on se nourrit avant de reprendre le travail pour continuer sa journée. Alors, on imagine un repas à 1,50 francs, ce qu'on appelle un déjeuner, donc un repas de midi. Et pour limiter les pertes, on leur sert ce qu'on appelle les bas morceaux aux ouvriers. Donc, des morceaux qui sont moins nobles, qui proviennent des bêtes achetées. Alors, on sert un plat de viande, un bouillon. C'est simple, ça remplit. Et ça rend de bonne humeur. Et en fait, Duval, c'est, vous le disiez, un boucher au départ, et il a cette idée de récupérer, de ne rien perdre. Oui, d'offrir un plat à peu cher à ses ouvriers qui travaillent dans le coin, mais c'est plus que ça. C'est un homme d'affaires redoutable. Il est en train, vous me corrigerez, mais au fond, il est en train d'inventer un nouveau système de restauration, Éric Dussault. Tout à fait. Il y a deux choses. Vous venez de le dire, il y a l'ultime démocratisation du bouillon. Donc, en faisant en sorte qu'un plus grand nombre de personnes puissent s'alimenter dans les restaurants, que la nourriture leur soit destinée à elles, ces personnes-là, ça fait en sorte que ça augmente le public cible. Donc, ça, c'est astucieux. Deuxièmement, c'est vraiment le prototype de la chaîne de restauration. Pourquoi? Parce qu'il a une quarantaine de bouillons à Paris, en plus des succursales en province. Ça veut donc dire qu'il a créé un empire qui est caractérisé par la centralisation des achats, l'industrialisation de la production du pain, de la boucherie et de tout ce qui est servi dans les assiettes. On va contrôler donc toutes les étapes chez Duval, oui. De l'approvisionnement jusqu'au consommateur. Pourquoi? Pour réduire les coûts et surtout augmenter l'efficacité en salle. Donc, c'est à la fois un empire. D'ailleurs, son fils qui va hériter de son empire s'appelle Alexandre Duval et on va l'appeler Godefroy des Bouillons. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est devenu tout un empire et surtout une rationalisation de la restauration rapide qui est très impressionnante. Ça se rapproche de l'usine, carrément. Oui. Maintenant que vous nous avez mis bien en appétit, entrons dans ce fameux bouillon. Parlons un petit peu de l'expérience que c'est et que c'était d'être dans un bouillon. Évidemment, au cœur de cette expérience-là, la cuisine des bouillons, une cuisine, je le répète, simple, peu chère. À quoi ça ressemble concrètement la carte ou le menu du bouillon? On écoute à nouveau Florence Griffon à ce sujet. OK, messieurs, allez, bon service. On y va, c'est parti. En haut, en salle, voici le seul ingrédient acheté tout près, le pain. En bas, en cuisine, tout est fait maison. Les œufs mayo, les filets de poisson, la purée qui se prépare. Que des plats simples, sous l'œil attentif de Christophe Moisan. Plateau Igor, s'il vous plaît. Ancien chef étoilé. La cuisine de bouillon, c'est une cuisine familiale, moi je dirais traditionnelle. C'est une cuisine très simple, des produits frais, travaillés simplement. Une saucisse purée, c'est une saucisse que j'ai choisie, qui a très très bon en goût, qui a du gras, qui a de la mâche. Une purée faite maison, un petit jus à la sarriette, comme à la maison. La différence avec la maison, c'est qu'ici, chaque portion est calibrée au gramme près. On pèse tout, que ce soit la garniture, la viande. En amont, avant le service, préparer donc les assiettes pour que ça puisse sortir rapidement. Et c'est sur le gros volume en fait, qu'on fait notre chiffre d'affaires. Alors, vous voyez le bœuf bourguignon qu'on a préparé ce matin. Donc là, on l'a réchauffé, on a mis la sauce, un petit peu de ciboulette en décor et ça part. Bon, alors parlons-en de ce menu type. On vient d'en avoir une petite idée, mais décrivez-nous un peu ce qu'on peut manger, Éric Dussault, dans un bouillon. Puis à quoi, au fond, ressemble la visite au bouillon, je ne sais pas moi, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle? Bien, je peux vous décrire à quoi ça ressemble chez Duval, mais juste avant, pour répondre à votre question, l'œuf mayo, c'est vraiment un grand classique. On parlait de filets de poisson, comme on l'a dit, des plats simples, c'est ça qui est important. En fait, c'est souvent de la cuisine régionale qui va être adaptée aux circonstances, avec toujours de la nourriture fraîche. L'avantage du fait que ça tourne comme ça, le gros volume auquel faisait référence la personne qu'on a entendue dans l'extrait, c'est le gros volume qui assure que la personne qui mange, mange du frais parce que ça n'a pas le temps là, de pourrir. Là. C'est servi dans l'assiette rapidement et ça roule comme ça de façon systématique. Oui. Alors, chez Duval, d'ailleurs, il serait très content de ce qu'on vient d'entendre. C'est un bel héritage de Duval. Alors, quand on entre chez Duval, il y a un préposé qui nous accueille, qui nous donne une carte et sur cette carte-là, on indique sa commande. Ensuite de ça, on est installé derrière une petite table étroite et là, il y a la bonne qui va prendre le relais, une femme souvent qui porte un bonnet avec un tablier blanc. Et à la fin du repas, il y a la verseuse de café et la caissière qui viennent compléter l'opération. Alors, on peut parler dans ce cas-là d'une mécanique vraiment très, très bien huilée, encore là, qui ressemble à l'usine. Oui. Chez Chartier, un autre bouillon, il y a des patères, il y a des porte-bagages, il y a au mur des casiers avec des serviettes à l'intérieur pour les habituer et surtout la bouteille personnalisée sur laquelle il y avait une petite ficelle et on ne payait que ce qu'on buvait dans cette bouteille-là. Eh bien, donc on voit bien un établissement où on tient compte, il y a beaucoup d'habitués, on en tient compte de différentes façons. Ça va connaître une très, très grande popularité. Vous donniez des chiffres déjà sur le nombre de succursales qui appartiennent à Duval exclusivement, mais il y a d'autres Chartier, Racine, d'autres bouillons qui vont apparaître. Et donc, la compétition va être assez féroce, signe de la popularité des bouillons à Paris. On écoute à nouveau le chef Thierry Marx nous parler de cette belle époque du bouillon, si on veut, dans la capsule « L'histoire à la carte ». Le bouillon, c'est donc vraiment le restaurant populaire par excellence. On en trouvait partout en France, dans les grandes villes. C'était très parisien, très parisien, très lyonnais, mais les Lyonnais ont leur bouchon. Là, c'était vraiment très parisien et très lié au monde des Halles. Oui, donc, pas de réservation, on arrivait, exactement, des grandes tables. Pas de notes. Hein, on faisait l'addition sur la table, on déchirait le morceau de papier, on payait en cash. Enfin, tout ça, c'était un monde où tout le monde se croisait. Effectivement, il y avait le monde ouvrier, donc pas cher, et puis il y avait le monde des gens qui avaient déjà un peu plus de moyens, et puis le bourgeois qui venait de temps en temps sans canaille. Voilà, et puis surtout une accessibilité. C'était la cantine, ça évitait la gamelle, et voilà. Alors, il y avait Chartier, puis il n'y avait pas que Chartier. Il y a une anecdote qu'on raconte, qu'un monsieur m'a raconté un jour. Qui se raconte entre chefs, je crois. Qui se raconte entre chefs, mais c'est surtout une histoire vraie. Monsieur Germain était allé voir, qui avait un bouillon qui s'appelle le bouillon Germain, va voir le bouillon Chartier, rencontre monsieur Chartier, et Chartier lui dit « Ah, ben vous venez chez moi parce que c'est meilleur. » Et l'autre lui répond « Non, parce que chez moi, c'est complet. » Alors, ça donne une petite idée de la popularité qu'ont les bouillons à une certaine époque. Parlons de cet âge d'or-là. À quoi il correspond, l'âge d'or des bouillons, Éric Dussault? Ben, en fait, il manque une réponse à l'une des questions là, de la personne dans l'extrait. On est à 250 bouillons à Paris en 1900. Alors, Chartier, Boulan, Julien, ce sont autant de concurrents. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a certains de ces bouillons-là qui vont adopter des formules plus luxueuses, avec un décor parfois plus recherché, une cuisine plus élaborée. On peut donc parler, dans ce cas-là, d'un embourgeoisement du bouillon parisien. D'ailleurs, on parlait de la concurrence. Les bouillons Chartier, en 1922, vont acheter les bouillons Duval. Alors, c'est une ironie de l'histoire. Ce sont les bouillons Duval qui ont créé le concept et ils sont rachetés en 1922 par Chartier. On parlait des bouillons de province. Ça, c'est intéressant parce qu'en Alsace, on a la Winstube, donc il y en a quand même. Alsacien. Oui. Ben, c'est-à-dire que pour moi, la Winstube, pour avoir vécu en Alsace, c'est tout à fait l'équivalent d'un bouillon. Des produits régionaux frais sont servis. C'est fait pour les travailleurs en semaine et pour les familles les fins de semaine. Effectivement, à Lyon, le bouchon lyonnais a un peu la même mission, faire valoir la cuisine régionale et s'adresser à monsieur, madame, tout le monde. Et j'ajouterais à ça quelque chose une chose à laquelle on ne penserait pas, c'est-à-dire les restos universitaires étudiants, qu'on appelle les restos U. Une cantine avec un repas complet, entrée, plat chaud, dessert, prix modique et le meilleur d'entre eux à Strasbourg, on mange de la nourriture qui est conçue par les étudiants en cuisine, qui est non loin de là. Alors, voilà des formules régionales qui peuvent s'apparenter au bouillon parisien. Oui. Parlons, on ne peut pas faire une émission, Paul l'a évoqué à une ou deux reprises dans cette émission, les décors, la décoration extraordinaire de certains bouillons. On ne peut pas passer par-dessus ça. L'art nouveau, entre autres. Je ne sais pas si c'était réservé à ces bouillons plus chic, dont vous parliez il y a un instant, mais en tout cas, dans ceux qui existent toujours, d'ailleurs, à une certaine époque, c'était devenu un peu une attraction touristique, ces bouillons, mais entre autres parce que les décors sont très, très beaux. À quoi ça ressemble le bouillon typique? Le bouillon typique, le vrai bouillon d'origine, on le reconnaît parce qu'il est toujours décoré d'un style art nouveau. L'art nouveau, ce sont les courbes, les arabesques. C'est aussi, si on regarde le marché des Halles, c'est aussi le verre, l'acier. Donc, ces nouveaux matériaux qu'on utilise et les restaurants sont inspirés par ça. Donc, on mange dans un lieu qui est lumineux, qui est vaste, avec des plafonds très hauts et avec une décoration courbée, pleine d'arabesques. Alors, c'est très caractéristique. Lorsqu'on entre, il y a une avant-salle avec un bar. Et après ça, à l'arrière, il y a une salle qui est surmontée d'une verrière. Et à l'intérieur de ça, c'est un feu roulant de clients qui entrent, qui sortent, et surtout le personnel qui tourne là un peu comme des abeilles dans une ruche. Là. Il y a une ambiance électrisante. C'est pas simplement la décoration, mais c'est de voir tout ce monde-là travailler, manger, discuter, comme les tables collées les unes sur les autres. Il y a parfois des grandes tables, on discute. C'est vraiment l'ambiance, autant que le décor, qui caractérise le bouillon traditionnel. Mais avec quand même cette patte Art Nouveau, ces grands miroirs, ces sculptures de femmes, ces motifs floraux, ces lustres assez impressionnants. Un petit mot en terminant pour parler, puis je l'évoquais au tout début de l'émission, Éric Dussault, pour parler du retour du bouillon. Il y a quelque chose qui se passe depuis quelques années à Paris. Sans aucun doute, il y a un retour de ce bouillon-là. Chartier, qui n'avait qu'un lieu au Faubourg Montmartre, en a ouvert un autre à Montparnasse depuis 2019. 350 convives peuvent être accueillis à cet endroit-là. Encore là, salle décorée de boiseries et de cuivre style Art Nouveau, avec un service un peu bourru, ce qui est la particularité de Chartier. Le Bouillon Julien est aussi dans un magnifique restaurant Art Nouveau de 1902. L'ancien bouillon Chartier qu'on appelle Vagenande est lui aussi spectaculaire par son décor autant que par son addition, parce que dans son cas, c'est entre 31 et 60 $ pour le plat principal. Il y a aussi le bouillon Racine qu'on peut fréquenter, mais là, je veux surtout terminer avec, en 2017, l'ouverture du bouillon Pigalle. 300 places, 7,50 € pour un plat. Et ça a tellement été populaire qu'en 2020, quelques semaines avant la pandémie, le Bouillon République devait ouvrir ses portes non loin de la place de la République dans le 9e arrondissement, mais c'est reporté pour cause de pandémie. Alors, c'est très clair, il y a un renouveau du bouillon parisien et la clientèle jeune et moins jeune est très heureuse d'aller manger là-bas. Et quand on a eu le bonheur d'en fréquenter un ou deux, on comprend pourquoi ça marche et c'est populaire. Éric Dussault, historien, conférencier, tuteur à la TELUC, ami de l'émission. Merci beaucoup, Éric. Ça me fait plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.